Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 2 novembre 2016 de Méloman. Merci d'être au rendez-vous comme toujours, surtout après la semaine passée où on s'est fait brasser un peu la cabane pour notre spécial d'Halloween. On était d'avance d'ailleurs, l'Halloween qui était il y a 2 jours à peine. Mais bon, ce soir, on revient à nos moutons. Vous le savez, quand on a fait plusieurs spéciaux, on revient à nos vieilles amours pour un bon vieux varié format classique qui peut prendre plusieurs directions quand même. Ça aussi, vous le savez, on ratisse large à Méloman. Comme va en témoigner notre premier bloc, d'ailleurs, vous allez voir, premièrement, on couvre 4 décennies en partant. Mais, et ça, je vous en ai déjà parlé à quelques reprises ici et là, il y a quelque chose d'assez évident qui lit toutes ces chansons-là ensemble. Donc, vous allez essayer de regarder ça. Sans plus tarder, on part ça du côté de chez Motown, à commencer par les Supremes, 99.1 CFNJ. Oh, So then she won't be for you, my part-time lover. FNG.

I said, are you gonna be my girl? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et je pense que c'est assez clair après cinq chansons que le lien qui unissait toutes ces magnifiques pièces, c'était le patron rythmique, comme dans l'expression, ils ont tous le même beat. Et ça, ben, c'est une chose qui arrive quand même assez fréquemment dans le merveilleux monde de la musique. La musique pop beaucoup, mais la musique at large. Et ça veut pas dire que c'est du plagiat pour autant. C'est des dynamiques qu'on voit réapparaître comme ça à chaque 10 ans, parce que c'est efficace, on se le cachera pas. Chacune des chansons qu'on vient d'entendre a été un gros succès, d'ailleurs. Et dans la catégorie qui nous intéresse, la catégorie du toum toum toum toum toum toum toum, eh bien, on aurait pu en rajouter d'autres encore, comme Touch Me des Doors, par exemple. Et j'en passe, parce que la liste serait vraiment longue. Mais il faut avouer que c'est un rythme dans le pop, du moins, qu'on va voir apparaître chez Motown en premier, dans plusieurs chansons, mais principalement dans You Can't Hurry Love des Supremes en 1966, qu'on a entendu en début de bloc, qui serait elle-même fortement inspirée d'une chanson gospel du nom de You Can't Hurry God, donc vraiment pas très loin. Et tout ça inspiré du gospel qui a voyagé, qui va finalement nous donner Part-Time Lover de Stevie Wonder en 1985, toujours chez Motown, qui ressemble étrangement, et pas juste pour le rythme, à Man Eater d'Alan Oates aussi, et bien sûr en 82, donc 3 ans après Stevie. Et c'était aussi vrai dans les années 70 pour Iggy Pop en 77, plus précisément avec Lust for Life, qui précédait un autre gros hit plus récent que tout le monde connaît, soit les Australiens du groupe Jet, avec Are You Gonna Be My Girl, chanson de 2003. Donc c'était l'histoire d'un petit rythme gospel qui a fait pas mal de chemin, ma foi. Mais nous, on n'est pas au bout de nos peines. Pourquoi pas un petit Pierre Bertrand, 99 ans, CFNJ. Never pas d'opinion sur le caviar. Rouge ou noir, je trouve ça trop salé. On ne me voit pas flasher dans les bars, faire fumer jeans signés trop serrés. Je n'ai pas d'amis vachement décontractés qui m'invitent un week-end sur le yacht. M'as-tu vu passer en camionnette? Je ne fais pas partie du jet set, mais je m'en fous. Ma blonde m'aime malgré tout. Malgré tout, ma blonde m'aime quand même. Je n'ai pas non plus d'appartement avec vue imprenable sur la ville. Loud. au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Well, honey, I love you too much. I need your love too much. Who want the thrill of your tough energy? I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Gonna love you too much. Too much. Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating your daddy wrong? Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. I need your loving all the time. Need your hug and please be mine. Need you near me. Stay right close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. Too much. Sweet lips, I can feel my heart go flip, flip. I'm such a fool for your charms. Take me back, baby, in your arms. Like to hear you sighing, even though I know you're lying. Gonna love you too much. I need your loving all the time. I need your hugging, leave me mine. Need a good near me. Stay real close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. Ça, c'était de la très belle musique, mes amis, toujours à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, bien sûr, avec la magnifique The Green Leaves of Summer, chanson thème du film The Alamo de 1960, un film où John Wayne jouait Davy Crockett, d'ailleurs, et The Green Leaves of Summer, qui est une composition de Dimitri Tiomkin, paroles de Paul Francis Webster, qu'on connaît aussi, là, qui a fait, en fait, à l'origine de plein de succès comme The Shadow of Your Smile. Il y a aussi les Brothers Four qui étaient présents sur la version qu'on vient d'entendre, qui en ont fait une autre magnifique version acoustique plus minimaliste qu'on avait déjà entendue à l'émission. Ce qui m'amène à vous dire que la semaine prochaine, il ne faut pas manquer ça. Spécial acoustique, merveilleux, bref. Mais, juste avant ça, pas très loin, en termes d'année, 1957 avec Elvis et son merveilleux guitariste Scotty Moore, légende de la guitare, qui est malheureusement décédé il y a vraiment pas longtemps, en fait, au mois de juin dernier de cette année, en fait. Et donc, qu'on a entendu avec Too Much, qui suivait d'ailleurs l'homme qui s'est fondé un groupe, mais quel groupe? Comme des milliers d'autres, après avoir vu Elvis pour la première fois. J'ai nommé John Lennon, qu'on a entendu avec I'm Losing You, de 1980. Album Double Fantasy qui va, malheureusement, comme on le sait, être son dernier pour les raisons qu'on connaît. Chanson qui suivait la même année, Peter Gabriel avec I Don't Remember. Et toujours dans les années 80, quand même assez présente ce soir, faut l'avouer. Qui d'autre que Pierre Bertrand, ex-Beau Dommage, avec Ma Blonde Même de 1983. Mais là, nous, on recule un peu dans les années, en fait, pas par rapport à ce qu'on vient d'entendre, mais par rapport aux années 80, avec deux groupes qu'il ne faut pas confondre, mais qui vont malheureusement, ils ont malheureusement pas fini de se faire confondre. Tout ça, bien sûr, 99.1, CFNJ. To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. get to get what I'm after till the day I die. Find a corner where I can hide. Silent footsteps crowding me. Sudden darkness, but I can see. No sugar tonight in my coffee. No sugar tonight in my tea. No sugar to stand beside me. No sugar to run with me. Et 88.9 CFNJ. avec des notes bleues, puis des blanches, des ronds, des rouges, pour que ça fasse plus joyeux. Je t'avais fait une chanson d'amour, mais je te la donnerai pas, je la chanterai même pas. Thank you. contrée sud de la Naudière, c'est nuageux pour les prochaines heures avec un minimum de 6, du brouillard par endroit. Jeudi, pluie, un maximum 11 et ensoleillé vendredi, maximum de 4. Et les secteurs du nord, Saint-Michel, les environs. Au cours des prochaines heures, nuageux, un minimum de 3, pluie pour jeudi, maximum 9. Et pour vendredi, ensoleillé, maximum 3 degrés. CFNG 99 Et c'est un tout petit bloc qui vient de se terminer avec une magnifique composition du seul et unique Burt Bacharach avec son complice de toujours, le parolier Al David. Burt Bacharach, à qui ça fait longtemps que je dis que je veux rendre un petit hommage à l'émission, ça saura venir assez vite. Mais donc, un petit avant-goût avec Anyone Who Had a Heart en 1963, interprété par la grande Dionne Warwick. Muse d'un temps de M. Bacharach, qui avait d'ailleurs la faculté de composer des petites perles de musique pop, qui, à prime abord, n'ont pas l'air très compliquées comme ça, mais quand on s'y attarde un peu, on se rend compte qu'il y a une complexité insoupçonnée là-dedans. Un talent qu'avait aussi Stéphane Venn, ici au Québec, qu'on a entendu juste avant, avec « Je t'avais fait une chanson » interprétée par Emmanuel, une de ses muses à lui aussi en 1974. Et sinon, toujours dans les années 70, les deux groupes qui vont toujours se faire confondre, pas par leur style respectif, mais bien par leur nom, soit The Guess Who, groupe de Winnipeg, qu'on a entendu avec No Sugar Tonight, doublé de New Mother Nature, un bel exemple de collaboration entre Burton Cumming et Randy Bachman en 1970. Et bien sûr, The Who, tout court, de loin les plus influents avec le classique The Seeker de la même année. Et là, dans le prochain bloc, on va atteindre un degré d'épique assez alarmant, merci. Beaucoup de chefs-d'œuvre franco, et là je pèse mes mots, l'année 1973 qui va être représentée plusieurs fois, entre autres. Mais tout d'abord, on commence ça 10 ans plus tard, 1983, avec ceci au 99.1 CFNJ. You're wondering who I am. Secret, I got a secret. Machine or mannequin. Secret, I got a secret. With parts made in Japan. I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide, to keep me emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero. I'm not a savior. Forget what you know. I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Beyond my control. I am the modern. Kill Roy!

Et c'est le magnifique thème du film Papillon qu'on vient d'entendre sur les ondes de CFNJ 99.1 FM, toujours à Mélomanes, avec donc un thème du grand Jerry Goldsmith pour un film Papillon dans lequel on pouvait retrouver Steve McQueen et un jeune Dustin Hoffman d'ailleurs. Mais je veux revenir sur Jerry Goldsmith parce que c'est un compositeur que tout le monde connaît, peut-être sans le savoir, qui a fait la trame sonore d'un millier de films très connus comme La planète des singes, The Omen avec Damien, l'enfant maléfique, Alien, Poltergeist, Star Trek aussi. Et là, la liste continue, vous irez voir ça, très bon compositeur. Et donc là, c'était un thème de 1973, une année très représentée dans le bloc qu'on vient d'entendre, comme je vous disais. Donc cette année-là, on a entendu une série de chefs-d'œuvre avec la sublime Viens de Marie Laforêt, grande habituée de l'émission, Fugain et son Big Bazar aussi avec Jusqu'à demain peut-être, et qui suivait la magnifique Parlez-moi de lui, Il ne pense qu'à toi, de Nicole Croisé, et donc toutes des chansons envoûtantes toute la même année. Et même si c'était pas la même année, on a aussi entendu la toute aussi envoûtante Les uns contre les autres de Fabienne Thibault ou La serveuse automate, une chanson qui nous vient évidemment de la première mouture de Starmania en 1978, musique de Michel Berger, et paroles de Luc Plamondon. Et le tout amorcé de façon tout aussi épique par Mr. Roboto de Styx en 1983, tiré du presque opéra rock Kilroy Was Here. Et donc, on était en 83. On y va pour fin 84 pour une qui va s'avérer un des plus gros hits de l'année 85. En fait, tout ça, évidemment, à Mélomanes, en 99 ans, CFNJ. Let it all

Yeah. Comme toujours, être mélomane, ça veut dire amateur de musique en général, peu importe le style, et qui ne connaît pas le célèbre premier mouvement de la sérénade pour cordes en sol majeur de ce cher Amadeus, celle qu'on appelle Einklein-Nacht-Musik, soit la petite musique de nuit de Mozart, une composition de 1787 qu'on a entendu ici dans une version enregistrée 200 ans juste plus tard, en 1987, par le Capella Istropolitana et tout ça qui suivait pour aucune raison valable, en fait, si ce n'est pour le petit clin d'œil, évidemment, surtout à mon ami ici présent, mon ami Louis, en studio, Phil Collins, avec Something Happens on the Way to Heaven, version live, s'il vous plaît, de l'album avec le Carousel de 1990. Essayez pas de faire comme si vous saviez pas duquel je parle. Un album très répandu dans les années 90. Et tout ça qui avait commencé de façon tout à fait épique, avec tous les cris, les SOS, version originale de Daniel Balavoine en 1985. On connaît beaucoup la version ici, en fait, de Marie-Denise Pétier. On va la reprendre quelques 2-3 ans plus tard. Peut-être même 4 ans plus tard, faudrait vérifier. Et la même année, Tears for Fears avec, bien sûr, Shout, méga succès que tout le monde connaît. Et c'est ce qui conclut déjà notre émission de ce soir. J'espère que vous avez aimé notre petit moment ensemble. Comme toujours, on se dit à mercredi prochain, 20h, pour, attention, un magnifique mélomane acoustique qui sera pas piqué des verres. Et justement, pour se mettre dans l'ambiance, on se laisse avec un petit Crosby, Stills, Nash & Young, 99.1 CFNJ. drive so far. Whoa, no one's gonna find me. Whoa, put my foot on the gas. Whoa, accelerate. Whoa, drive so fast. Whoa, no one's gonna catch me. Catch me. No one's gonna catch me. No one's gonna catch me.